Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Ça, c'est tout notre projet qu'on avait lancé en 2025. On appelait ça la nef des territoires. Et donc, notre objectif, c'était d'être présent au territoire et donc d'avoir des endroits où on est capable sans avoir l'agence bancaire, parce que ça, déjà en 2025, c'était has-been, alors t'imagines bien maintenant. Mais par contre, sans avoir cette agence bancaire, d'avoir cette proximité de sens et aussi cette proximité territoriale. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu de faire ce que tu décris là, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. L'avantage qu'on a, c'est que comme on est une coopérative, on a des sociétaires qui ont envie de parler à d'autres sociétaires. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y en a qui connaissent un peu mieux tel truc et qui leur disent bah, « Tiens, je peux t'aider à faire ça ou ça. » Et c'est des systèmes qui marchent très bien au niveau local. Ça marche très bien à un endroit, pas forcément aussi bien à un autre. Mais nous, on essaie de les déployer pour créer du lien. Finalement, on parle d'argent, mais on crée du lien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 Glorieuse.